we've got to meet and I'm done. Et on veut pas jouer un clavier, mais on veut pas jouer un clavier, mais dame ta voix, on veut pas jouer un clavier, mais go louder, bass. F flat, fa dièse. Mais à mon avis, tu devrais t'en servir vers sur Reaper. Et là, c'est certain que ça marcherait. Le branche dans Reaper et que tu utilises Ninja, alors là c'est sûr, fera un carton, mon carton, fera un carton, ton truc ce sera béton, laisse pas tomber ton carton, non, mais pas des cartes, pas des troncs, mon carton, non, mais c'est des qui, c'est des mordicants. Clavier maître ne sait pas être sans connectique que qui te pique tique pique tique connectique pique quand tu n'as pas la technique. Ton clavier maître ne serait pas sans remettre. Si la technique était à t'écouter, tu saurais comment t'en débarrasser. to back it up, like the way you work. Hey, hey, hey, yo. No, baby, you gotta back it up. Reaper, c'est pas l'horreur. Reaper, c'est pas l'horreur. Il y a trop de réverb. Un dernier buzz. Le.